Jean Bosco, Douimane. Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 13 mars 2017. Et donc voici tout de suite les grands titres. Le gouvernement du Burundi déclare la malaria comme épidémie. Plus de 3000 personnes en sont mortes en 2016 alors que l'on dénombre déjà 700 morts depuis le début du mois de janvier jusqu'au 10 mars dernier. Et puis le porte-parole des forces de défense nationale dément les informations faisant état de deux personnes tuées le week-end dernier par des individus qui se seraient repliés en territoire burundais selon les autorités rwandaises. Les sénateurs et députés burundais déplorent le manque de collaboration entre institutions de l'État. Ils s'exprimaient ce matin lors de la présentation du rapport du deuxième semestre de l'année 2016 par le premier vice-président de la République qui leur a révélé que l'Office burundais des recettes OBR a refusé à l'inspection générale de l'État d'accéder à ces dossiers. Et les eaux usées sont devenues ingérables dans la commune urbaine de Wiza avec comme conséquence un grand risque d'attraper les maladies des mains sales. Notre reporter nous décrira le calvaire que vivent les citadins de la 4e avenue. Et dans l'actualité sportive de la semaine écoulée, il sera essentiellement question de football. La sélection de Djibouti s'est inclinée ce week-end à Bujumbura devant les Inamba seniors. Et c'était dans le cadre d'un match amical alors que Messa Ngozi a été battu à l'étranger. 2-0 par Zesco United de la Zambie dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, je venais de vous le dire, le gouvernement du Burundi vient de déclarer le paludisme comme épidémie. Selon la ministre burundaise de la Santé publique et de la lutte contre le sida, plus de 3000 personnes sont mortes de cette maladie l'année dernière et autour de 700 à partir de janvier de l'année en cours. Le nombre de personnes dépistées comme ayant atteint du paludisme sont estimées à plus de 8 millions en 2016 contre plus d'un million à partir de janvier de l'année en cours. Suivez plutôt Madame Josiane Nijimbere, c'est la ministre burundaise de la Santé publique. Sur base des conclusions d'une mission d'investigation des experts de l'Organisation mondiale de la santé et à la dernière mise à jour faite par le Système national de surveillance épidémiologique, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida confirme aujourd'hui que le Burundi fait face à une épidémie de paludisme. En effet, cette dernière mise à jour faite par le Système national de surveillance épidémiologique en étroite collaboration avec l'OMS indique un total cumulé de 8 169 484 cas confirmés de paludisme notifiés au cours de l'année 2016, frappant en particulier les provinces du nord et du nord-est du pays, à savoir la province de Kirundo, la province de Muyinga, Karusi, Chankuzo et, dans une moindre mesure, les provinces de Ngozi, Kayanza, Gitega, la province de Rutana et la province de Ruigi. Du 1er janvier au 10 mars de l'année 2017, la mise à jour faite par le Système national de surveillance épidémiologique en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé indique un total cumulé de 1 823 012 cas de paludisme notifiés, soit une augmentation de 13%, ceci comparé à la même période pour l'année 2016. Une mission internationale d'investigation commissionnée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et conduite par l'OMS au mois de janvier 2017, a constaté que l'augmentation des cas liés au paludisme a été progressive depuis l'année 2013, affectant principalement les provinces du nord et du nord-est du pays. La ministre Nijimbere indique que plusieurs facteurs sont à l'origine de la maladie, dont la non-utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Elle ajoute que le gouvernement a déjà entrepris une série d'actions pour faire face à la maladie. Un plan de riposte permettant de s'attaquer à l'épidémie sous plusieurs angles est en cours de finalisation et sera utilisé pour la mobilisation des ressources additionnelles pour faire face à cette épidémie. La finalisation de ce plan de riposte sera utilisé pour la mobilisation également des ressources qui vont nous aider à faire face à cette épidémie, que ce soit des ressources matérielles ou des ressources humaines. Des commandes d'urgence à médicaments et autres intrants pour faire face à cette épidémie qui nous fait une pression sur la consommation des médicaments. Et un positionnement en prévision d'une expansion de la zone de couverture en traitement, y compris les traitements de masse dans les zones ciblées. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a également fait un redéploiement du personnel de santé au niveau central dans 11 districts sanitaires les plus touchés. Ceci pour faire un état des lieux des besoins et donner soutien aux structures de soins dans la prise en charge des cas, y compris à travers les cliniques mobiles. Le ministère de la Santé publique envisage l'extension progressive de la couverture en traitement antipaludique à travers la dispensation des traitements à artésinate amodiaquine dans les sites éloignés des centres de santé jusqu'à couvrir 26 districts sanitaires ainsi qu'un traitement de masse dans 11 districts sanitaires qui sont dans les provinces de Kirundo, Muyinga, Chamuzo et Karusi. Mais également, on va faire une campagne d'aspersion intradomiciliaire dans ces zones qui sont éligibles. Josiane Nijimbere, la ministre burundaise de la Santé publique, dont les propos ont été recueillis par Léonce Witariho. Toujours des chiffres dans le domaine de la santé. Selon un taux de 16% de ménages au Burundi ont un accès aux installations sanitaires adéquates. Ce sont les propos de Prosper Muyuku, directeur du département d'hygiène et assainissement au ministère de la Santé. Il a donné ces chiffres dans un atelier média sur la prévention du choléra. Et c'est au moment où, selon lui, les efforts dans la lutte contre les maladies des mains sales doivent tourner autour de l'utilisation exclusive des latrines, la pratique de lavage des mains au savon et l'accès à l'eau potable. Prosper Muyuku indique néanmoins que le ministère de la Santé est à pied d'œuvre dans la lutte contre les maladies des mains sales via l'approche assainissement total piloté par la communauté. Les changements que nous attendons tournent autour de l'utilisation exclusive de la latrine, tournent autour de la maîtrise et de la pratique de lavage des mains au savon pendant les mains critiques, de l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire l'eau qu'on peut consommer sans risque pour le consommateur. Ça, c'est les changements attendus. Mais je dois dire qu'au Burundi, dans l'ensemble, nous sommes encore en arrière en matière d'accès aux installations sanitaires adéquates parce que nous avons une couverture de 16% uniquement. Mais quand même, avec l'approche que nous mettons en œuvre, assainissement total piloté par la communauté, nous sommes en train de gagner dans certaines communes. Nous avons la commune Chombo qui a servi de lumière, nous avons la commune Mutumba, nous avons la commune Nyabikere, nous avons la commune Musongati, nous avons la commune Kebago qui ont servi de communes pionnières pour avoir le statut de fenêtre d'éducation à l'arrivée. Très bientôt, nous pensons que Nyanzarake va se libérer de cette problématique d'assainissement. Donc Nyanzarake a bénéficié aussi d'un projet de prévention de choléra. Rumonge a bénéficié également d'un projet d'hygiène et d'assainissement. Nous avons aussi les communes de Rutana et Giharu qui vont bientôt atteindre le statut de fin de défécation à l'air libre. Nous avons aussi la commune Mutana et Kibago qui ont déjà atteint ce statut. Nous avons la commune Mabanda et la commune Giharu qui avaient échoué, mais que nous devons impérativement renforcer leur capacité pour qu'effectivement ils puissent atteindre le statut de fin de défécation à l'air libre. Et comme Kabezi a déjà montré qu'il est un des réservoirs importants du choléra, nous allons aussi intégrer cette approche assainissement total est pilotée par la communauté. Prosper Muyuku s'exprimait au cours d'un atelier organisé par le Centre d'information, éducation et communication en matière de population et développement. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention du choléra à l'endroit des enfants, des femmes et des personnes vulnérables dans la province de Cibitoke, l'une des provinces de la plaine de Limbo les plus vulnérables face au choléra. Et les habitants de la 4e avenue Giza, mairie de Bujumbura, s'inquiètent qu'ils risquent d'attraper des maladies des mains sales. L'inquiétude se fonde sur des fosses septiques qui sont débordées et tous les déchets se déversent en pleine rue. Les responsables d'hygiène au niveau zonal indiquent que tout est lié à l'action de ces habitants qui se permettent de jeter des objets qui ne devraient pas être mis dans les toilettes. Mais quoi qu'il en soit, ces habitants demandent que ces fosses soient réparées le plus tôt possible. Reportage de Léonce Witariho. À en entendre le bruit, on dirait des eaux normales, mais ce sont des déchets provenant des ménages à Brisa, 4e avenue. Une fosse septique a été débordée il y a bien des mois, selon des habitants de la localité.

estime Révérien Ndikuriyo. Aussi, son constat est que les étudiants bénéficiaires de ces bourses sont souvent orientés dans des domaines qui ne sont pas très bénéfiques pour le pays. Il y a des pays qui octroient des bourses aux meilleurs étudiants dans le but de les recruter à la fin de leurs études. Allez voir en France, en Allemagne et partout ailleurs. Il y a des experts burundais qui ont bénéficié des bourses du gouvernement. Si cette fuite de cerveau continue, nous ne fabriquerons jamais les avions, les véhicules. Vous voyez qu'on n'a même pas une usine de fabrication des roues alors que nous sommes tous des cultivateurs. À ce propos, le premier vice-président de l'Assemblée nationale indique qu'il ne faut pas jeter seulement la responsabilité à ces pays qui donnent des bourses d'études. Pour Agathon Rwasa, il faut focaliser le regard aussi bien sur ces pays que sur le Burundi. Selon ce député, il faut aussi voir le traitement de ces étudiants une fois revenus par rapport à ce qu'ils gagneraient s'ils restaient dans ces pays. Agathon Rwasa rappelle que le pays a envoyé dans les années 80 des élèves pour faire les études relatives à l'exploitation minière. De retour, ils n'ont pas trouvé d'emploi, a-t-il expliqué. Raison pour laquelle il souligne que cette question mérite un long débat. Lors de la présentation de ce rapport semestriel, le premier vice-président a indiqué que parmi les défis de l'inspection générale de l'État, dans son travail de contrôle et d'audit, figure le refus qui lui a été opposé par l'OBR dans ses dossiers. Inquiétude qui a soulevé plus d'une réaction de la part des parlementaires sur le manque de collaboration entre les organes étatiques. Je voudrais demander s'il s'agit d'un problème de réglementation ou si l'OBR le fait exprès. Je demande qu'il y ait une bonne collaboration entre les services de l'État. Cette question ne devrait pas figurer ici. Normalement, les organes étatiques ne peuvent pas s'accuser mutuellement. À ce propos, Gaston Sindimon a indiqué qu'il n'y a pas de raison que cet office refuse le travail d'inspection par un organe de l'État. Toutefois, Gaston Sindimon dit qu'ils vont analyser s'il ne s'agirait pas des obstacles liés à la réglementation. Merci, Obani Yonguru. Et deux personnes ont été tuées et une autre blessée dans la nuit de samedi à dimanche dans le village Kabuga, secteur Bugarama, district de Rusizi, du côté rwandais. Le ministère rwandais de la Défense, via son site internet, indique que les malfaiteurs, dont un groupe armé non identifié, auraient trouvé refuge au Burundi. Mais le ministère burundais de la Défense dément ces informations. Dans un communiqué publié ce lundi et signé colonel Gaspard Baratouza, le porte-parole des forces de défense nationale indique qu'aucun groupe armé n'a été remarqué traversant la frontière entre le Burundi et le Rwanda. Il ajoute que le Burundi n'acceptera jamais que les criminels ou déstabilisateurs dans les pays voisins se replient sur le territoire du Burundi. Et deux corps ont été repêchés dans la rivière Ségouvzaïe, en commune Provence Bururi, ce lundi matin. L'un est celui d'un habitant originaire de Gitega et se décomposait déjà. Et l'autre est celui d'un jeune garçon moutois du site Moututu de cette localité. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Les informations recueillies auprès des habitants de Mugozi, confirmées par la police et l'administration à Bururi, indiquent que les batois du site de Moututu ont découvert le corps d'Onzisabia Désiré vers 9h de ce lundi, flottant sur la Ségouvzaïe. Mais ces batois étaient à la recherche de l'un de leurs garçons qui avait disparu dimanche matin, alors qu'il avait accompagné avec d'autres jeunes batois des militaires qui faisaient le cross ce dimanche. Le corps du jeune Niyonguru Fabrice de 3 ans a été découvert après dans la même rivière entre les collines Mugozi et Mudahanwa. Au niveau de la police à Bururi, l'on fait savoir que la mort de ce jeune moutois est accidentelle au moment où celle de cet homme originaire de Gitega et qui était un journalier dans les champs serait une justice populaire puisque une peau d'un mouton était avec son corps. La police de la protection civile et la Croix-Rouge du Burundi sont venus aux côtés de l'administration pour repêcher et enterrer dignement les deux corps selon Nestor Nijimbere, administrateur communal de Bururi. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro.